tech et du talent. Voilà ce qui fait que H, là j'ai rap sans aucun équivalent. Quand je manie la langue en dévalant les mots comme sur une avalanche, le mic, je malaxe, vibe de malade sans médicament. Tic tac, tic tac, c'est l'heure de mon dictat. Zigzag dans la vie comme dans la zig, exact. Mes stats te laissent extatique, n'est-ce pas? T'est-ce pas? Je suis de l'espace, je suis un extraterrestre. Extravagant, verve de béret vert. Les wak, tu repérais mère pour être wam. Soit je mets des claques, soit je mets des gifles, soit je mets des fessées par mes adversaires détestés. Je suis un compétiteur, issu de la race des kickers. Je laisse la concurrence en compétit. Quiconque contredit la prophétie doit me prouver le contraire. Appelle-moi Benjamin Button du rap. Si tu me connais pas, tu sais pas ce que tu rapes. Je suis le mec qui, comme l'élu, réconcilie les anciens de l'élite. T'as pas capté? Je crois que tu rames, je te parle à toi, tu pédé qui passe ton temps sur PC. Qui veut nous freiner dans la quête du Graal. Y'a pas que le CB qui t'a rendu obsédé. Car t'achètes pas de CD, mais rien que tu râles. Le sable c'est pas mon truc. Pas grave, est-ce que ça va causer ma chute? Pas grave, j'aurais pu lâcher toute mon antipathie. Dans mes Diego m'a dit non, a dit non, pas maintenant. T'as encore plein de choses à prouver. Tu voulais du grain, tu l'as trouvé. Comme diraient les petits de ma ville, c'est Beepers Radical MC pour Planet Kickers. Tu peux saluer les capitaines, Candy Kane. Je vais les faire défiler comme des militaires. Petit reste droit, tu peux lever les bras. T'auras fait une belle avancée, mais c'est l'heure du happy end. Alors passe le bonjour à Pac et Biggie de ma part. Car vous êtes morts et enterrés, toi et ta bande de bâtards. Jette un peu de cash et les rappeurs se battent. Ils font les acrobates et je leur casse les pattes. Je m'en bats les steaks, je sais que ce n'est pas les states. Tu dis que tu n'aimes pas les textes, techniques, tech. Tu dirais le contraire si seulement tu savais le faire. Yeah, haineux, haineux, haineux. Je t'ai mis à l'amende et tu veux me crever les pneus. Redonnez-moi le microphone et j'en fais ce que je veux. Je renvoie tous les MC que ça la boy black et je te répète, pas besoin de faire des feats et des feats. J'ai besoin d'un mic et puis d'un beat et je kick. J'ai pris le beat, cross, boom dans sa face. Et Air Canada, Carter sur les faces. Mais je la joue fine, Jordan sur les faces. Prends un mic si t'as des couilles dans ton falsa. Phénomène au mic minimum, non pas le temps. Madame Maxi, album, ouais, sale temps. J'ai les deux doigts dans la prise, c'est mon passe-temps. Et ça me broche, faut normal que j'en fasse tant. Ok, j'ai du cash pour ton pas-check. Tangen, Sartek. Non, je veux dire bravo. On n'entre pas, le hip-hop est en travaux. Et si le crime paie, bel style paie. Et si je kick pas, dis-moi qui le fait. J'arrive tranquille, parce que j'ai peur que tu ne suives pas. La planète des kickers, moteur, ça tourne et puis ne te défile pas. J'ai le style à part pépère, je sais cacher mon jeu, après j'accélère. Frère, fermez les paupières, j'opère trop fier. De ma clique est venue réveiller ce game austère. Check les affaires, tu biguais comme on faut creuse des cratères. Mec, je suis sur la lune tellement haut, c'est mon repère. J'ai écouté les autres, je n'ai pas vu d'adversaire. Rouge sans sur le maillot, Manchester. J'ai le fire dans la mine, de l'or dans les rimes. Que des diamants dans la team, dans la dollar dans la billion. J'ai pris ton équipe, je les habille comme Lil Kim. J'ai le buzz de Jeremy Lin, même à Brooklyn. L'original arrive avec un gros style. Un autre le Ducat 4 sort de sa tanière et ça devient hostile. J'suis aussi trop speed, j'ai des mots aussi violents que j'ai cassé dans un flow fluide. T'as beau me squeezer, j'te dose puis smoke weed. Et le battle est mon home sweet. Home, mais c'est ce que j'prends et j'kiffe mon trône. Et même dans le trône, mais j'freestyle trop. Et l'effectif est gros, mais le rap au drôme. Mais si j'te le promets, si ce hip hop te fâche, ok, tout de suite change de cap. Non, trouve une musique adéquate. Sinon, stop le rap, rentre chez Watt. On vient sauver la planète du hip hop. Et si tu n'as pas ta place, si ton flow n'est pas au top. Voilà les super héros qui s'en battent à la Hancock. On est là pour ceux qui aimaient quand ça kickait à l'époque. On a l'ancienne et la nouvelle école pour te montrer qu'ici on est unis. Ça pue tellement la vérité que ça crée des jalousies alors qu'on avait déjà tant d'ennemis. D'ennemis, homme fort. Moi je crée le décor. Écoute un peu le niveau si tu croyais que t'étais fort. Je le fais devant toi, que tes coupes, ça finit gore. Si tu veux la cam, la bonne, la qualité. Y'a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. T'as validé la possibilité d'une nouvelle école. La vérité abandonne avant que je mette la gomme. Go!